Attaquons-nous maintenant au mot finissant par « able », A-B-L-E, qui se termine par « hablé » en espagnol. Notez bien la prononciation du « e » final, « hablé ». Nous nous entraînerons à retrouver les mots « hablé » à partir du français, pour que vous puissiez acquérir du « vocabulario » par vous-même. Donc, comment diriez-vous « probable » en espagnol ? Très bien, probable. Et comment diriez-vous acceptable? Il fallait dire aceptable. Ce mot-ci n'est pas très généreux non plus avec ses consonnes. Il n'a qu'un seul C. On peut toutefois redoubler le C en espagnol, puisqu'il apparaît dans Caroline. Mais on le retrouve redoublé surtout pour donner l'équivalent du groupe de lettres CT en français, comme dans action, qui se dit Action. A-C-C-I au accent aigu N. Comment diriez-vous maintenant, en plaçant ainsi au début de la phrase en espagnol et en utilisant para, P-A-R-A, pour dire pour, ce n'est pas acceptable pour moi ainsi. Así no es aceptable para mí. Así no es aceptable para mí. Les mots courts comme así, qui veut dire ainsi, ya, qui signifie déjà, ou hoy, aujourd'hui, ont tendance à se placer en début de phrase en espagnol. Sinon, avez-vous reconnu cet exemple? Il apparaissait dans la méthode audio débutant. N'hésitez pas, lorsque vous n'êtes plus sûr d'une structure ou des mots de vocabulaire déjà abordés dans les méthodes précédentes, comme le mot assis, qui signifie ainsi, ou comme cela, à reprendre ces méthodes autant de fois que vous voulez. Le travail que nous réaliserons sur le vocabulaire sera ainsi plus bénéfique. Le but est de renforcer et d'élargir ce que vous avez déjà appris et non de recommencer à expliquer les mêmes choses. Continuons. D'après vous, quel sera le mot que l'on utilisera en espagnol pour dire « formidable » ? Formidable. Formidable. Que l'on écrit comme en français. F-O-R-M-I-D-A-B-L-E. Si populaire se dit popular, P-O-P-U-L-A-R, et me, pero, P-E-R-O, comment diriez-vous? Il est formidable, mais il n'est pas très populaire. Es formidable, pero no es muy popular. Es formidable, pero no es muy popular. Populaire se dit donc popular. Beaucoup de mots se terminant par R, A-I-R-E, finissent par AR, A-R, en espagnol. Par exemple, spectaculaire, espectacular. Titulaire, titular. Maintenant, si le canapé se dit el sofá, S-O-F-A accent aigu, comment diriez-vous « le canapé est très confortable » ? El sofá es muy confortable. El sofá es muy confortable. On emploie plus souvent « cómodo », C-O accent aigu, M-O-D-O, qui fait penser à « commode ». On emploie plus souvent « cómodo » que « confortable ». Mais votre interlocuteur vous comprendra parfaitement que vous employiez l'un ou l'autre. Remarquez que le son « on » n'existe pas en espagnol. On prononce le « o » puis le « n ». C'est pour cela que l'on dit « confortable » et non « confortable ».« Confortable » est l'un de ces nombreux mots qui a une orthographe identique dans les deux langues, mais que l'on prononce différemment, puisque l'on dit toutes les lettres en espagnol et que certaines lettres se prononcent différemment. Beaucoup de mots terminant par « al » à « l » fonctionnent ainsi. Par exemple, « vital » se dit « vital ». Le « v » se prononce toujours comme un « b » en espagnol. « Central » se dit « central ». Pour prononcer le « c », vous mettez votre langue entre les dents de devant et vous soufflez « central ». Comment diriez-vous maintenant général? Général. Général, que l'on prononce avec ce raclement de gorge qui caractérise si bien le G et le J espagnol. La lettre G se dit R seulement devant les lettres E et I. Et comment diriez-vous normal? Bravo, normal. N'ayez pas peur de deviner intelligemment les mots qui puissent, selon vous, ressembler au français. Très souvent, vous viserez juste. Michel Thomas a toujours encouragé ses élèves à deviner les mots, mais, par contre, jamais la structure d'une phrase. Jamais. En effet, si la structure n'est pas bonne, on ne vous comprendra pas. Continuons avec d'autres mots utiles se terminant par « hable ». Comment direz-vous « déplorable » ? Déplorable. Déplorable. Et si « naviguer » se dit « navegar » ? N-A-V-E-G-A-R. Comment direz-vous « navigable » ? Attention, on a bien en espagnol « navegar ». On dit en effet « navegable ». Si « fleuve » se dit « rio », R, I, accent aigu, O, et « loin », « lejos », L, E, J, O, S, comment direz-vous ? Le fleuve est navigable, mais il est très loin. Pour simplifier, dites d'abord « le fleuve est navigable ». El río es navegable. El río es navegable. Et comment dites-vous ? Mais il est très loin. Pero está muy lejos. Pero está muy lejos. On va essayer maintenant de redire toute la phrase. Je vous la rappelle. Le fleuve est navigable, mais il est très loin. El río es navegable, pero está muy lejos. El río es navegable, pero está muy lejos. Notez que l'on utilise ser pour parler de la nature de quelque chose, l'une de ses caractéristiques, comme ici, es navegable. Lorsque l'on indique où quelque chose ou quelqu'un se trouve, on emploie estar. Está muy lejos. On a donc el río es navegable, pero está muy lejos. Continuons. Si une méthode se dit un método, M et accent aigu, T-O-D-O, notez bien qu'il n'y a pas de H dans ce mot. Comment direz-vous « c'est une méthode fiable » ? Es un método fiable. Es un método fiable. La méthode que vous êtes en train d'écouter est même très fiable. En utilisant hijo, H-I-J-O pour fils, comment direz-vous maintenant « votre fils est adorable » ? Su hijo es adorable. Su hijo es adorable. Maintenant, si vous vous adressez à Carmen et que vous la tutoyez, comment lui direz-vous « ton fils est adorable » ? Tu hijo es adorable. Tu hijo es adorable.